Impossible! Nous ne pouvons nous permettre cela. Impossible. Nous ne pouvons nous permettre cela. Impossible. Nous ne pouvons nous permettre cela. Nous ne pouvons nous permettre cela. Nous ne pouvons nous permettre ça. Impossible. Bref. Et s'il y avait bien encore des Austriens, malgré le cataclysme, et si Pamplona s'était reconstruite, alors ils reconnaîtront les leurs, et si les Birnes racontent leur... Alors ils reconnaîtront les leurs, et si les Birnes leur racontent ce que nous avons fait de leur peuple, alors... Et s'il y avait bien encore des Austriens, malgré le cataclysme, et si Pamplona s'était reconstruite, alors ils reconnaîtront les leurs, et si les Birnes leur racontent ce que nous avons fait de leur peuple, alors... Alors, allons au bout de ton idée. Allons au bout de ton idée. Les préparatifs sont faits pour leur capture. Allons au bout de ton idée. Allons au bout de ton idée. Les préparatifs sont faits pour la capture. Les préparatifs sont faits pour leur... Mais c'est pas possible! Les préparatifs sont faits pour leur capture. Les préparatifs sont faits pour leur capture. Les préparatifs sont faits pour leur capture. J'espère qu'il y en a des biens...